Chapitre 8e, le lac du Grand Ours. C'était une heureuse circonstance, ces froids vifs, mais peu durables, qui marquent ordinairement certains jours du mois de mai, même sur les parallèles de la zone tempérée, suffirent à solidifier l'épaisse couche de neige. Le sol redevint favorable, Jasper Hobson se remit en route, et le détachement s'élança à sa suite de toute la vitesse des attelages. La direction de l'itinéraire fut alors légèrement modifiée. Au lieu de se porter directement au nord, l'expédition s'avança vers l'ouest, en suivant pour ainsi dire la courbure du cercle polaire. Le lieutenant voulait atteindre le fort Confidence, bâti à la pointe extrême du lac du Grand Ours. Ces quelques jours de froid servirent utilement ses projets. Sa marche fut très rapide, aucun obstacle ne se présenta, et le 30 mai sa petite troupe arrivait à la factorerie. Le fort Confidence et le fort Good Hope, situés sur la rivière Mackenzie, étaient alors les postes les plus avancés vers le nord que la compagnie de la baie de Hudson posséda à cette époque. Le fort Confidence, bâti à l'extrémité septentrionale du lac du Grand Ours, point extrêmement important, se trouvait par les eaux mêmes du lac, glacé l'hiver, libre l'été, en communication facile avec le fort Franklin, élevé à l'extrémité méridionale. Sans parler des échanges journellement opérés avec les Indiens chasseurs de ces hautes latitudes, ces factoreries, et plus particulièrement le fort Confidence, exploitait les rives et les eaux du Grand Ours. Ce lac est une véritable mer méditerranéenne qui s'étend sur un espace de plusieurs degrés en longueur et en largeur. D'un dessin très irrégulier, étranglé dans sa partie centrale par deux promontoires aigus, il affecte au nord la disposition d'un triangle évasé. Sa forme générale serait à peu près celle de la peau étendue d'un grand ruminant auquel la tête manquerait tout entière. C'était à l'extrémité de la patte droite qu'avait été construit le fort Confidence, à moins de 200 milles du golfe du Couronnement, l'un de ces nombreux estuaires qui échancrent si capricieusement la côte septentrionale de l'Amérique. Il se trouvait donc bâti au-dessus du cercle polaire, mais encore à près de 3 degrés de ce 70e parallèle, au-delà duquel la compagnie de la baie de Hudson tenait essentiellement à fonder un établissement nouveau. Le fort Confidence, dans son ensemble, reproduisait les mêmes dispositions qui se retrouvaient dans les autres factoreries du Sud. Il se composait d'une maison d'officiers, de logements pour les soldats, de magasins pour les pelleteries, le tout en bois et entouré d'une enceinte palissadée. Le capitaine qui le commandait était alors absent. Il avait accompagné dans l'Est un parti d'Indiens et de soldats qui s'étaient aventurés à la recherche de territoires plus giboyeux. La saison dernière n'avait pas été bonne. Les fourrures de prix manquaient. Toutefois, par compensation, les peaux de loutre, grâce au voisinage du lac, avaient pu être abondamment recueillies, mais ce stock venait précisément d'être dirigé vers les factories centrales du Sud, de telle sorte que les magasins du Fort Confidence étaient vides en ce moment. En l'absence du capitaine, ce fut un sergent qui fit à Jasper Hobson les honneurs du fort. Ce sous-officier était précisément le beau-frère du sergent Long et se nommait Felton. Il se mit entièrement à la disposition du lieutenant, qui, désirant procurer quelque repos à ses compagnons, résolut de demeurer 2 ou 3 jours au fort Confidence. Les logements ne manquaient pas en l'absence de la petite garnison. Hommes et chiens furent bientôt installés confortablement. La plus belle chambre de la maison principale fut naturellement réservée à Mrs. Paulina Barnett, qui n'eut qu'à se louer des attentions du sergent Felton. Le premier soin de Jasper Hobson avait été de demander à Felton si quelques parties d'Indiens du Nord ne battaient pas en ce moment les rives du Grand Ours. « Oui, mon lieutenant, » répondit le sergent. « On nous a récemment signalé un campement d'Indiens lièvres qui se sont établis sur l'autre pointe septentrionale du lac. » « À quelle distance du fort ?» demanda Jasper Hobson. « À 30 000 environ, » répondit le sergent Felton. « Est-ce qu'il vous conviendrait d'entrer en relation avec ces indigènes ?»« Oui, » dit Jasper Hobson. « Ces Indiens peuvent me donner d'utiles renseignements sur cette partie du territoire qui confine à la mer polaire et que termine le cap Bathurst. Si l'emplacement est propice, c'est là que je compte bâtir notre nouvelle factorerie. » « Eh bien, mon lieutenant, » répondit Felton, « rien n'est plus facile que de se rendre au campement des lièvres. » « Par la rive du lac ?»« Non, par les eaux mêmes du lac. Elles sont libres en ce moment et le vent est favorable. Nous mettrons à votre disposition un canot, un matelot pour le conduire, et en quelques heures, vous aurez atteint le campement indien. « Bien, sergent, » dit Jasper Hobson, « j'accepte votre proposition, et demain matin, si vous le voulez. »« Quand il vous conviendra, mon lieutenant, » répondit le sergent Felton. Le départ fut fixé au lendemain matin. Lorsque Mrs. Paulina Barnett eut connaissance de ce projet, elle demanda à Jasper Hobson la permission de l'accompagner, permission qui, on le pense bien, lui fut accordée avec empressement. Mais il s'agissait d'occuper la fin de cette journée. Mrs. Paulina Barnett, Jasper Hobson, deux ou trois soldats, Madge, Mrs. McNabb et Jolliffe, guidés par Felton, allèrent visiter les rives voisines du lac. Ces rives n'étaient point dépourvues de verdure. Les coteaux, alors débarrassés des neiges, se montraient couronnés çà et là d'arbres résineux, de l'espèce des pins écossais. Ces arbres s'élevaient à une quarantaine de pieds au-dessus du sol, et ils fournissaient aux habitants du fort tout le combustible dont ils avaient besoin pendant les longs mois d'hiver. Leurs gros troncs, hérissés de branches flexibles, offraient une nuance grisâtre très caractérisée. Mais, formant d'épais massifs qui descendaient jusqu'aux rives du lac, uniformément groupés, droits, presque tous d'égale hauteur, ils donnaient peu de variété au paysage. Entre ces bouquets d'arbres, une sorte d'herbe blanchâtre revêtait le sol et parfumait l'atmosphère de la suave odeur du thym. Le sergent Felton apprit à ses hôtes que cette herbe, très odorante, portait le nom d'herbe encens, nom qu'elle justifiait d'ailleurs lorsqu'on la jetait sur des charbons ardents. Les promeneurs quittèrent le fort, et après avoir franchi quelques centaines de pas, ils arrivèrent près d'un petit port naturel encaissé dans de hautes roches de granit qui le défendaient utilement contre le ressac du large. C'est là que s'amarrait la flottille du fort Confidence, consistant en un unique canot de pêche, celui-là même qui le lendemain devait transporter Jasper Hobson et Mrs. Paulina Barnett au campement des Indiens. De ce point, le regard embrassait une grande partie du lac, ses coteaux boisés, ses rives capricieuses, déchiquetées de caps et de criques, ses eaux faiblement ondulées par la brise, et au-dessus desquelles quelques icebergs découpaient encore leur silhouette mobile. Dans le sud, l'œil s'arrêtait sur un véritable horizon de mer, ligne circulaire, nettement tracée par le ciel et l'eau, qui s'y confondait alors sous l'éclat des rayons solaires. Ce large espace, occupé par la surface liquide du grand ours, les rives semées de cailloux et de blocs de granit, les talus tapissés d'herbes, les collines, les arbres qui les couronnaient, offraient partout l'image de la vie végétale et animale. De nombreuses variétés de canards couraient sur les eaux en jacassant un grand bruit. C'étaient des eiderducks, des siffleurs, des arlequins, des vieilles femmes, oiseaux bavards dont le bec n'est jamais fermé. Quelques centaines de puffins et de guillemots s'enfuient à tire-d'aile en toutes directions. Sous le couvert des arbres se pavanaient des orfraies, hautes de deux pieds, sortes de faucons dont le ventre est gris cendré, les pattes et le bec bleus, les yeux jaune-orange. Les nids de ces volatiles, accrochés aux fourches des arbres et formés d'herbes marines, présentaient un volume énorme. Le chasseur Sabine parvint à abattre une couple de ces gigantesques orfraies, dont l'envergure mesurait près de 6 pieds, magnifiques échantillons de ces oiseaux voyageurs, exclusivement ichtyophages, que l'hiver chasse jusqu'au rivage du golfe du Mexique et que l'été ramène vers les plus hautes latitudes de l'Amérique septentrionale. Mais ce qui intéressa particulièrement les promeneurs, ce fut la capture d'une loutre dont la peau valait plusieurs centaines de roubles. La fourrure de ces précieux amphibies était autrefois très recherchée en Chine. Mais si ces peaux ont notablement baissé sur les marchés du Céleste Empire, elles sont encore en grande faveur sur les marchés de la Russie. Là, leur débit est toujours assuré et à de très hauts prix. Aussi, les commerçants russes, exploitant toutes les frontières du Nouveau Cornouailles jusqu'à l'océan Arctique, pourchassent-ils incessamment les loutres marines, dont l'espèce tend singulièrement à se raréfier. Telle est la raison pour laquelle ces animaux fuient constamment devant les chasseurs, qui ont dû les poursuivre jusque sur les rivages du Kamtchatka et dans toutes les îles de l'archipel de Béring. Mais, ajouta le sergent Felton après avoir donné ces détails à ses hôtes, les loutres américaines ne sont pas à dédaigner, et celles qui fréquentent les lacs du Grand Ours valent encore de 250 à 300 francs la pièce. C'étaient en effet des loutres magnifiques que celles qui vivaient sous les eaux du lac. L'un de ces mammifères, adroitement tiré et tué par le sergent lui-même, valait presque les anhydres du Kamtchatka. Cette bête, longue de 2 pieds et demi depuis l'extrémité du museau jusqu'au bout de la queue, avait les pieds palmés, les jambes courtes, le pelage brunâtre, plus foncé au dos, plus clair au ventre, des poils soyeux, longs et luisants. « Un beau coup de fusil, sergent !» dit le lieutenant Hobson, qui faisait admirer à Mrs. Paulina Barnett la magnifique fourrure de l'animal abattu. « En effet, monsieur Hobson, » répondit le sergent Felton, « et si chaque jour apportait ainsi sa peau de loutre, nous n'aurions pas à nous plaindre. mais que de temps perdu à guetter ces animaux qui nagent et plongent avec une rapidité extrême. Ils ne chassent guère que pendant la nuit, et il est très rare qu'ils se hasardent de jour hors de leur gîte, troncs d'arbres ou cavités de roches, fort difficiles à découvrir, même aux chasseurs exercés. « Et ces loutres deviennent de moins en moins nombreuses ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Oui, madame, » répondit le sergent. « Et le jour où cette espèce aura disparu, les bénéfices de la compagnie décroîtront dans une proportion notable. Tous les chasseurs se disputent cette fourrure, et les Américains, principalement, nous font une ruineuse concurrence. Pendant votre voyage, mon lieutenant, n'avez-vous rencontré aucun agent des compagnies américaines ?»« Aucun, » répondit Jasper Hobson. « Est-ce qu'il fréquente ces territoires si élevés en latitude ?»« Assidûment, monsieur Hobson, » dit le sergent. « Et quand ces fâcheux sont signalés, il est bon de se mettre sur ses gardes. »« Ces agents sont-ils donc des voleurs de grand chemin ?» demanda Mrs. Paulina Barnett. « Non, madame, » répondit le sergent. « Mais ce sont des rivaux redoutables, et quand le gibier est rare, les chasseurs se le disputent à coups de fusil. J'oserais même affirmer que si la tentative de la compagnie est couronnée de succès, si vous parvenez à établir un fort sous la limite extrême du continent, votre exemple ne tardera pas à être imité par ces Américains, que le ciel confonde. « Bon, » répondit le lieutenant, « les territoires de chasse sont vastes, et il y a place au soleil pour tout le monde. Quant à nous, commençons d'abord. Allons en avant, tant que la terre solide ne manquera pas à nos pieds, et que Dieu nous garde. » Après 3 heures de promenade, les visiteurs revinrent au fort Confidence. Un bon repas, composés de poissons et de venaison fraîche, les attendaient dans la grande salle, et ils firent honneur au dîner du sergent. Quelques heures de causerie dans le salon terminèrent cette journée, et la nuit procura aux hôtes du fort un excellent sommeil. Le lendemain, 31 mai, Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson étaient sur pied dès 5 heures du matin. Le lieutenant devait consacrer tout ce jour à visiter le campement des Indiens et à recueillir les renseignements qui pouvaient lui être utiles. Il proposa à Thomas Black de l'accompagner dans cette excursion, mais l'astronome préféra demeurer à terre. Il désirait faire quelques observations astronomiques et déterminer avec précision la longitude et la latitude du fort Confidence. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson durent donc faire seuls la traversée du lac, sous la conduite d'un vieux marin nommé Norman, qui était depuis de longues années au service de la compagnie. Les deux passagers, accompagnés du sergent Felton, se rendirent au petit port où le vieux Norman les attendait dans son embarcation. Ce n'était qu'un canot de pêche, non ponté, mesurant 16 pieds de quille, gréé en cutter, qu'un seul homme pouvait manœuvrer aisément. Le temps était beau. Il ventait une petite brise du nord-est, très favorable à la traversée. Le sergent Felton dit adieu à ses hôtes, les priant de l'excuser s'il ne les accompagnait pas, mais il ne pouvait quitter la factory en l'absence de son capitaine. L'amarre de l'embarcation fut larguée, et le canot, tribord à mur, ayant quitté le petit port, fila rapidement sur les fraîches eaux du lac. Ce voyage n'était véritablement qu'une promenade, et une promenade charmante. Le vieux matelot, assez taciturne de sa nature, la barre engagée sous le bras, se tenait silencieux à l'arrière de l'embarcation. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson, assis sur les bancs latéraux, examinaient le paysage qui se déployait devant leurs yeux. Le canon prolongeait la côte septentrionale du Grand Ours à une distance de 3 000 environ, de manière à suivre une direction rectiligne. On pouvait donc observer facilement les grandes masses des coteaux boisés qui s'abaissaient peu à peu vers l'ouest. De ce côté, la région formant la partie nord du lac semblait être entièrement plane, et la ligne de l'horizon s'y reculait à une distance considérable. Toute cette rive contrastait avec celle qui dessinait l'angle aigu au fond duquel s'élevait le fort Confidence, encadré dans sa bordure de sapins verts. On voyait encore le pavillon de la compagnie qui se déroulait au sommet du donjon. Vers le sud et l'ouest, les eaux du lac, obliquement frappées par les rayons solaires, resplendissaient par places, mais ce qui éblouissait le regard, c'étaient ces icebergs mobiles, semblables à des blocs d'argent en fusion, dont l'œil ne pouvait soutenir la réverbération. Des glaçons soudés par l'hiver, il n'en restait plus aucune trace. Seules ces montagnes flottantes, que l'astre radieux pouvait à peine dissoudre, semblaient protester contre ce soleil polaire, qui décrivait un arc diurne très allongé et auquel la chaleur manquait encore, sinon l'éclat. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson causaient de ces choses, échangeant, comme toujours, les pensées que cette étrange nature provoquait en eux. Ils enrichissaient leur esprit de souvenirs, tandis que l'embarcation, ondulant à peine sur ses eaux paisibles, marchait rapidement. En effet, le canot était parti à 6 heures du matin et à 9 heures, il se rapprochait sensiblement déjà de la rive septentrionale du lac qu'il devait atteindre. Le campement des Indiens se trouvait établi à l'angle nord-ouest du Grand Ours. Avant 10 heures, le vieux Norman avait rallié cet endroit et il venait atterrir près d'une berge très accore au pied d'une falaise de médiocre hauteur. Le lieutenant et Mrs. Paulina prirent terre aussitôt. 2 ou 3 Indiens accoururent au-devant d'eux, entre autres leur chef, personnage assez emplumé, qui leur adressa la parole en un anglais suffisamment intelligible. Ces Indiens lièvres, de même que les Indiens cuivres, les Indiens castors et autres, appartiennent tous à la race des Chippeways, et conséquemment ils diffèrent peu de leurs congénères par leurs coutumes et leurs habillements. Ils sont d'ailleurs en fréquente relation avec les factories, et ce commerce les a pour ainsi dire britannisés autant que peut l'être un sauvage. C'est au fort qu'ils portent les produits de leur chasse, et c'est au fort qu'ils les échangent contre les objets nécessaires à la vie, que depuis quelques années ils ne fabriquent plus eux-mêmes. Ils sont pour ainsi dire à la solde de la compagnie, c'est par elle qu'ils vivent, et l'on ne s'étonnera plus qu'ils aient déjà perdu toute originalité. Pour trouver une race d'indigènes sur laquelle le contact européen n'ait pas encore laissé son empreinte, il faut remonter à des latitudes plus élevées, jusqu'à ces glaciales régions fréquentées par les Esquimaux. L'Esquimau, comme le Groenlandais, est le véritable enfant des contrées polaires. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson se rendirent au campement des Indiens lièvres, situé à 1/2 mile du rivage. Là, ils trouvèrent 30 d'indigènes, hommes, femmes et enfants, qui vivaient de pêche et de chasse et exploitaient les environs du lac. Ces Indiens étaient précisément revenus tout récemment des territoires situés au nord du continent américain. Ils donnèrent à Jasper Hobson quelques renseignements, fort incomplets il est vrai, sur l'état actuel du littoral aux environs du 70e parallèle. Le lieutenant apprit cependant, avec une certaine satisfaction, qu'aucun détachement européen ou américain n'avait été vu sur les confins de la mer polaire, et que cette mer était libre à cette époque de l'année. Quant au cap Bathurst proprement dit vers lequel il avait l'intention de se diriger, les Indiens lièvres ne le connaissaient pas. Leur chef parla d'ailleurs de la région située entre le Grand Ours et le cap Bathurst comme d'un pays difficile à traverser, assez accidenté et coupé de rios dégelés en ce moment. Il engagea le lieutenant à descendre le cours de la Coppermine River, dans le nord-est du lac, de manière à gagner la côte par le plus court chemin. Une fois la mer polaire atteinte, il serait plus aisé d'en suivre les rivages, et Jasper Hobson serait maître alors de s'arrêter au point qui lui conviendrait. Jasper Hobson remercia le chef indien et prit congé de lui après lui avoir fait quelques présents. Puis, accompagnant Mrs. Paulina Barnett, il visita les environs du campement et ne revint trouver l'embarcation que vers 3 heures après-midi.